Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi, en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses, et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de Desona, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français et j'allais me refaire une bonne conscience quand j'ai entendu « Tu viens mon biquet ». Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière, j'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi, en faisant ma prière, je voulais faire l'apôtre, et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un cadeau. Mademoiselle de déshonneur, et c'est là bêtement, dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai reçu la première blessure, laisser mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant de muguet. Moi je n'ai récolté que trois Notre Père, deux minutes de roman, un zéro de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.